tout réfléchi et tout su. Dis-moi à quoi tu penses quand tu vois une horde d'ogres, m'as-tu vu dévorer en plat de résistance. Dans leur discours tout têtu, il n'y a pas de consistance. Mais oublie les malentendus, il n'y a pas non plus de résistance. Résistance, pas de chance, ça veut plus dire grand chose. Résistance, pas de chance, on va se faire bouffer. Les orgues des ogres mugissent au loin, ces nouilles de flûte ne répondent pas bien. On va se faire bouffer. Non vraiment, vous n'y croyez pas, mais si personne ne fait rien, on va se faire bouffer. La petite poussette, à cheval sur son bidet, par la force de ses deux fossettes, a décidé de les terrasser. Elle va se faire bouffer. Elle fait tournoyer ses nattes et sans faire exprès, des ogres éclatent la rate à chaque moulinet. Elle les a tués. Poussez ces poussettes, résistez. Poussez ces poussettes, on va les bouffer. Poussez ces poussettes, résistez. Poussez ces poussettes, on va les bouffer. Poussez ces poussettes, résistez. Poussez ces poussettes, on va les bouffer. Poussez ces poussettes, résistez. Poussez ces poussettes, on va les bouffer. Mais c'est pas gagné quand même. Qu'un jour peut-être ils comprennent. Pas vraiment les moyens de la violence et de la haine. Résister. Stay.